Chapitre 8e. Les larmes noyant ses yeux, elle le regarda longuement. Puis Patrick, ouvrant les bras, elle s'y précipita. Chevelure d'argent et bison ardent se retirèrent doucement, un sourire au coin des lèvres. Ils avaient peut-être précipité un peu les événements, mais maintenant, ils étaient enfin mariés et seraient sans doute très heureux ensemble. Ils en auraient mis tous deux leurs mains au feu. Patrick poussa l'arme de pluie sur le lit. Elle défit de nouveau les lacets que maladroitement la jeune femme avait resserrés précipitamment, et sa bouche prit le relais de ses mains. Ses lèvres brûlantes prirent possession de la gorge satinée de la jeune femme, puis descendirent lentement, lentement vers ses seins. Il en happa la pointe qui s'érigea instantanément, de même qu'un gémissement rauque sortit de la bouche de la jeune indienne. Fou de désir, Patrick se débarrassa de sa chemise pour mieux sentir contre son torse puissant la peau chaude et douce de sa femme. Longtemps ils se caressèrent. La cabane ne résonnait plus que de leurs gémissements. Puis, lorsque trop impatient, Patrick la pénétra enfin, deux cris s'accordèrent et moururent en un seul sur leur bouche fébrile. Les premières pluies firent leur apparition. Le ciel n'arrêtait plus de déverser ses précipitations. Cette année, le temps était étrange. Il pleuvait souvent et déjà le fond de l'air rafraîchissait plus qu'à l'habitude. Les journées paraissaient interminables et les soirées des Navarros se terminaient de plus en plus tôt. Ils se réunissaient quelquefois, chantant de vieilles complaintes qui endormaient les enfants, puis chacun regagnait son hogan pour la nuit. Seul Patrick et l'arme de pluie, ainsi qu'œil de la nuit et perle de lune, avaient hâte de se retrouver blottis tendrement au coin d'un bon feu de bois. L'hiver survint brutalement. Un matin, en se levant, ils virent que la neige avait fait son apparition. Un froid polaire crispait arbres et animaux. La prairie était sublime, d'une blancheur immaculée. Patrick et sa femme, tendrement enlacés, pouvaient rester ainsi des heures à regarder ce splendide paysage figé. Un matin de blancheur et de soleil, l'arme de pluie apprit à Patrick qu'il serait bientôt père. Ce dernier ne put retenir quelques larmes de joie mêlées de tristesse. Le souvenir de Jonathan et de Jeffrey était encore très présent dans son cœur. La veille, bravant le froid mordant, l'arme de pluie était allée s'agenouiller sur la tombe de Maureen. Elle voulait la remercier pour tous les bienfaits que celle-ci lui avait envoyés, comme elle le lui avait prédit une année auparavant. La vie renaîtrait enfin à la fin du printemps, avec la venue de son enfant. L'arme de pluie était assise sur le magnifique rocking chair que Patrick avait construit pour elle tout spécialement pendant ce long hiver. C'était une splendide journée de printemps. Le soleil illuminait enfin le paysage resté si longtemps en sommeil. La terre renaissait et avec elle les bourgeons qui pointaient sur les arbres. L'arme de pluie caressait son ventre rebondi en regardant son mari et ses frères parler de la prochaine récolte. Il avait beaucoup plu en cet hiver de 1870. La moisson ainsi que les autres plantations semblaient bien compromises, à moins que le soleil ne vienne assécher la terre, mais le résultat ne suffirait sûrement pas à nourrir toute la tribu et à racheter une autre parcelle cette année. Pendant de longues journées grises, Patrick, chien ardent, bison ardent, chien fou et loup fougueux, avait consolidé les granges et resserres. Certains membres de la tribu pensaient déjà à repartir vers le Nouveau-Mexique. Un soir, la vache que les Apaches avaient fait fuir pendant presque 5 ans auparavant, poussée par le froid et le manque certain de nourriture, alla se réfugier près du hogan de chevelure d'argent. Celui-ci, entendant le souffle de la bête sans la voir, sortit et faillit tomber à la renverse, en se retrouvant nez à nez, ou plutôt nez à mufle, avec ce gros animal. L'arme de pluie aurait du bon lait pour son bébé. Un coup de pied, bientôt suivi d'un autre, la fit sourire. Le fils de chien hurlant serait aussi fougueux que son père. Déjà, la jeune femme songeait au nom que lui donnerait Patrick. La coutume chez les Indiens n'était pas la même que chez les hommes blancs. Ils ne donnaient un nom à l'enfant que quand celui-ci était assez grand et affirmait son caractère, comme celui de son frère aîné, par exemple. Bison ardent, enfant, se retrouvait toujours sur la route de ces gros animaux et, en les voyant, courait après eux à perdre haleine. Il revenait sur ses petites jambes de 5 ans, haranguant les chasseurs pour qu'ils se préparent. Les bisons étaient revenus, toute la tribu lui avait donné son nom à ce moment-là. Pour l'arme de pluie, ce serait un fils qu'elle donnerait à son mari, aucun doute possible. et il serait beau et fort. Elle avait beaucoup grossi. Il faut dire que Patrick et ses frères amenaient beaucoup de gibier de leur chasse. Cet hiver, si personne n'avait souffert de la faim, c'était bien grâce à ces excellents chasseurs. Voyant venir vers elle son mari, elle se leva pour aller à sa rencontre. Un spasme la cloua sur place. Il était l'heure de mettre au monde ce petit, pensa-t-elle. Patrick et ses frères, la voyant pâlir, se déplacer avec difficulté, se précipitèrent. Allez chercher Perle de Lune et la vieille plume brisée. Je vais au verger dépêcher. Tu vas au... Mais tout est prêt à la maison. Ce n'est pas le moment de faire une promenade, enfin. Attends, chien hurlant, tu ne connais pas nos coutumes. Une femme va toujours accoucher dans la prairie ou la forêt. Ne perdons plus de temps en discussions inutiles et allons vite chercher Plume Brisée. La vieille indienne était la sage-femme de la tribu. Elle était forte comme un chêne, malgré sa frêle ossature. Tous les bébés venus au monde depuis plus de 50 années étaient passés par ses mains expertes. Patrick voulut rejoindre sa femme, mais Bison Ardent le prit par l'épaule. Non, mon frère, ceci est une affaire de femme. Les hommes, eux, doivent boire, discuter, préparer la fête. Allez, en route. On va aller chasser et rapporter de belles prises pour que toute la tribu se réjouisse de cette nouvelle vie qui va enrichir notre peuple. Patrick crut que jamais il ne réussirait à monter sur ce fichu cheval. Ses mains et ses jambes tremblaient tellement qu'il se fit traiter de fillette. Anxieux, il ne s'attarda même pas sur l'insulte. Lorsqu'il repensa plus tard à la chasse, il fut incapable de dire ce qu'il avait ramené au camp. Son esprit était resté avec sa femme là-bas dans le verger. Seul son corps était présent. Cette journée fut un enfer. Tous les membres de la tribu se mirent au travail. Chevelure d'argent, dont c'était le premier petit enfant qui naissait, était fou de joie et ne cessait de tourner autour de Patrick, lui lançant de grandes bourrades dans le dos, ou le bousculant, le congratulant, le poussant de ci, de là, lui parlant sans cesse. À la fin de la journée, tout étourdi, il s'assit au pied du hogan de son beau-père, essayant de reprendre ses esprits. Rongé d'inquiétude, n'ayant aucune nouvelle de sa femme, il finit par se diriger vers sa cabane, espérant un peu de calme et de repos. Les pleurs qui l'accueillirent le firent bondir jusqu'au lit, où la parturiente était confortablement installée, ses deux petits dans les bras. Alors, mon mari daigne enfin voir sa progéniture, dit-elle en souriant. Patrick en resta quoi? Il ne bougea pas. Aucune parole ne put sortir de sa bouche. Oh mon Dieu, pensait-il, pourquoi être aussi cruel? Il revoyait Jonathan et Jeffrey dans les bras de Maureen. Pourquoi la vie vous joue-t-elle d'aussi vilains tours parfois? Larme de pluie aussitôt se rembrunit. Bien sûr, elle aurait dû s'en douter. Mais tout à son immense joie d'avoir les deux bébés sur elle, en si bonne santé après tant d'heures de souffrances atroces, elle n'avait pas pensé à ce que Patrick ressentirait alors. Oh, je suis désolée, sanglota-t-elle, je suis désolée. Elle ne put rien ajouter de plus, pleurant à chaudes larmes, serrant ses deux petits trésors contre elle. Patrick sortit enfin de sa torpeur et à genoux près du lit, sanglotant lui aussi. Oh, larmes de pluie, mon cœur, mon adoré. Pardonne-moi, je t'en prie, je t'en supplie. Un instant j'ai cru, mais c'est fini. Je suis si heureux. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Ils sont si splendides, si forts. Tu as dû souffrir, mon amour. C'est vrai, tu ne m'en veux pas. Mais de quoi donc? Tu m'as donné deux beaux enfants et je suis fou de joie. Il se rapprocha du lit, caressa les deux petits êtres endormis et embrassa passionnément sa femme. Il fallait laisser reposer le passé là où il était. Le passé devait être enterré. 10 jours plus tard, Larmes de pluie et Patrick présentaient Josh et Jessie à toute la tribu. Chevelure d'argent arborait sa tenue de fête et, fier comme Artaban, déambulait parmi tous les Navarros avec les deux petits garçons dans les bras. Bien vite, il dut les rendre à sa fille, les deux bébés s'étant oubliés sur sa si belle tenue. Depuis qu'ils étaient nés, tout allait bien au village. C'est ainsi que Patrick désignait ce petit coin de terre, moitié cultivé, moitié habité. Ils avaient vu une bonne centaine de Navarros partir pour le Nouveau-Mexique, une semaine auparavant. Chevelure d'argent avait décidé par contre de rester. Œil de la Nuit préférait faire sa vie ailleurs. Elle disait qu'ici cela serait trop étroit pour tout le peuple navarro et que les récoltes ne suffiraient pas. Ce fut une déchirure pour les deux sœurs. Il fallut les séparer en pleurs. Larmes de pluie se souviendrait longtemps de cette funeste journée, et Perle de Lune qui s'éloignait avec son petit enfant de 2 mois dans les bras. Chevelure d'argent nomma alors Œil de la Nuit comme le nouveau chef de la tribu, ce que le jeune homme n'accepta qu'à contre-cœur. Mais le vieux chef voulait finir ses jours auprès de ses petits-enfants, ici, sur ses terres ancestrales. Le soleil brillait toujours plus fort. Les terres asséchées laissaient deviner les futures récoltes. Et Bison Ardent se frottait les mains. Patrick, lui, réservait son opinion. Les pluies terminées, il faudrait désormais de l'eau pour l'été si brûlant. Le climat chaud et surtout sec ne se prêtait guère à l'agriculture que si l'on irriguait. Il décida enfin ses 3 frères indiens à creuser jusqu'à ce qu'ils trouvent un point d'eau. La source était pratiquement asséchée pendant la belle saison. De là, ils pourraient alimenter le village, arroser le verger des pêchers et les récoltes si le besoin s'en faisait sentir. Ce fut une tâche longue et ardue. Le peu d'eau qu'ils trouvaient était sablonneuse et saumâtre. Il fallait pourtant persévérer. Il fallut 2 longs mois et d'efforts pour découvrir enfin la nappe d'où coulait le mince filet d'eau du petit ruisseau. Mais comment faire pour amener cette eau plus près? Désormais, les semailles étaient en route et elles commençaient à souffrir de la chaleur et de la sécheresse. Mais les blés mûriraient bien vite avec cet apport bienvenu. Mais à quoi pouvait bien leur servir cette eau dans le village, disait Bison Ardent. Les femmes la puisaient au ruisseau pour la nourriture. Tout était ainsi depuis des lunes. Pourquoi changer? Mais Patrick s'obstina. Plus loin, à 100 mètres du village, là où la petite source formait un minuscule lac naturel, poussait une plante étrange. Les Navarros se servaient déjà de ces tiges pour fabriquer des flûtes et même leurs flèches. Ces dernières étant creuses et très solides. Regarde, Bison Ardent, nous aurons bientôt de l'eau au pied de nos maisons. Tu es fou, mon frère. Tu me rapportes la plante par un puits et me dis qu'avec elle, l'eau coulera jusqu'à nos pieds. Tu as tout compris. Maintenant, regarde bien et aide-moi, veux-tu? Et ils emboîtèrent les tiges les unes dans les autres jusqu'à former un immense tuyau. Maintenant, nous continuerons jusqu'à la source, et au village, nous creuserons pour faire une sorte de réservoir et ainsi alimenter nos cultures. Alors? J'ai l'impression que le jour où je t'ai trouvé à moitié mort et que je voulais te laisser sur place, le grand esprit m'a flanqué une bonne claque ce jour-là. Et il a eu diablement raison. Tu es génial, mon frère. Jamais plus je ne dirai que tu es fou. Souviens-t'en, je te referai avaler tes paroles, répliqua Patrick en s'esclaffant.